Alors, inédit, ce colloque l'est certainement par sa taille, vous l'avez compris, mais aussi par la richesse et la diversité des situations coloniales et des approches historiques proposées. La sélection des communications a d'ailleurs été particulièrement ardue puisque nous avons reçu plus de 170 propositions et que finalement nous n'en avons retenu que 70, la mort dans l'âme, et qu'il y aura finalement à ce colloque 62 présentations extrêmement riches. C'était d'ailleurs notre volonté originelle de démontrer que l'histoire des femmes et du genre en contexte colonial n'est plus, comme on l'entend encore trop souvent et tout particulièrement en France, un nouveau domaine de la recherche historique, mais bien au contraire un champ scientifique fécond qui s'est construit progressivement depuis le début des années 70. Alors si c'est un nouveau champ, il commence à être un peu âgé. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de dire que c'est nouveau et de dire que ce n'est plus nouveau en fait, que c'est véritablement un champ de la recherche historique. Ce champ, d'ailleurs, a trouvé dans de nombreux pays, peut-être à l'exception notable de la France, sans doute une exception française de plus, sa place dans les départements de nombreuses universités de par le monde. En tout cas, à vous voir tous et toutes réunis aujourd'hui, à voir aussi le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui, de plus en plus, font des thèses sur ce sujet, la preuve est faite, je crois, de l'existence réelle de ce champ. De même, il nous paraissait fondamental de souligner que la présence des femmes, et donc des relations de genre en contexte colonial, ne se limitait pas, comme on nous le dit aussi trop souvent, aux questions de famille, de mariage et de sexualité, mais que cette dernière concernait aussi les domaines de la vie économique, juridique, religieuse ou politique, en somme des domaines pensés en général comme masculins. Et effectivement, ce colloque vise à rappeler que l'histoire des femmes et du genre permet une approche totalement renouvelée de la domination européenne outre-mer et de la transformation des sociétés qui s'y trouvèrent confrontées. En effet, le réagissement des assignations de genre dans des contextes coloniaux diversifiés a non seulement concerné les sociétés africaines, asiatiques ou océaniennes, mais aussi, bien évidemment, les sociétés métropolitaines. Comme l'a si fortement montré l'histoire des femmes en Occident, qui a été dirigée par Georges Duby et Michel Perrault et qui a été publiée en France pour la première fois en 1991, il n'est donc pas ici question d'une histoire en plus, mais de l'histoire tout court, pour peu que cette dernière prenne pour objet les rapports de pouvoir, qu'ils soient économiques, politiques ou culturels. L'un des objectifs revendiqués de ce colloque est bien d'en faire la démonstration, en rappelant que l'histoire des femmes et du genre en contexte colonial n'est ni une histoire périphérique, ni une histoire marginale, ni une histoire évidemment déconnectée de ce que beaucoup appellent la grande histoire. À travers les différentes thématiques déployées dans des domaines très divers, juste pour mémoire, le rôle économique des femmes et le travail, l'éducation et la scolarisation, la justice, l'union, les familles, la moralité, la santé et la reproduction, les questions de représentation, la masculinité ou les masculinités, les femmes sur les scènes publiques, les européennes, la sexualité ou les sexualités, les circulations. À travers toutes ces thématiques, on voit bien en fait la richesse de la présence des femmes et du genre dans l'historiographie des colonisations. Bien entendu, d'autres thèmes auraient pu être inclus, et d'autres pays représentés, et nous regrettons véritablement, spécialement, de ne pouvoir écouter davantage de nos collègues des pays d'Afrique, qui pour de nombreuses raisons n'ont pas pu être présents ici aujourd'hui, alors même que, vous le verrez, le continent africain est par ailleurs représenté, évidemment, mais il n'est pas représenté par les ressortissants des anciennes colonies africaines. Ce n'est pas de notre fait. Il s'agit d'une série de paramètres qui ont empêché ceci. Deux mots sur le Maghreb, peut-être, si vous me le permettez, étant historienne du Maghreb moi-même. Je regrette tout particulièrement la défection de Dalanda Larguesh, chercheuse tunisienne, qui vient d'être nommée directrice générale du CREDIF, du Centre de Recherche d'Études, de Documentation et d'Information sur les Femmes, poste très important, dans une Tunisie que vous savez comme moi en mutation, au cœur d'une révolution difficile, et je ne pouvais pas m'empêcher aujourd'hui d'avoir une petite pensée pour nos amis tunisiens et tunisiennes qui sont au cœur de la tourmente. Donc je voulais juste en dire deux mots. Ce colloque tente donc, vous l'aurez compris, tout en faisant un premier bilan constructif et critique, d'œuvrer à la reconnaissance publique d'un champ prolixe et en pleine expansion et à sa nécessaire visibilité. Parce qu'on nous dit toujours que nous n'existons pas parce que nous ne sommes pas visibles. Alors nous avons voulu montrer que nous existons et que nous sommes visibles avec vous tous et toutes. Je vous redis donc, au nom du comité d'organisation, notre très très grande joie de vous accueillir tous et toutes à Paris, en espérant que ces trois jours permettront des débats humains et scientifiques de haut vol. Et la partie humaine n'est pas la partie la moins importante de ces questions-là. Je vais passer tout de suite la parole à Florence Rochefort, qui est présidente de l'Institut Émilie du Châtelet, un institut pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Florence. Oui, merci beaucoup. Et c'est un grand plaisir de pouvoir vous dire un petit mot et d'avoir pu contribuer modestement à ce colloque. On sait à quel point c'est un événement important et je regrette de ne pas pouvoir y assister pleinement, mais j'essaierai de vous rejoindre à plusieurs reprises. Donc un petit mot sans vous faire perdre trop de temps sur l'Institut Émilie du Châtelet, qui est un institut donc pour le développement et la diffusion des études sur les femmes, le sexe et le genre, qui est un institut qui a été fondé en 2006 sous l'impulsion de la région Île-de-France. C'est donc la région Île-de-France qui a confié à la communauté scientifique ou à des représentants de la communauté scientifique spécialistes de ces champs de mettre en œuvre l'aide régionale et d'assurer, si vous voulez, la distribution de l'aide régionale sur ces thématiques. Et l'aide de ce colloque est donc dans le cadre de ce qu'on appelle les aides à manifestation scientifique. Donc bien sûr, c'est dans le cadre de l'Île-de-France. Et j'en profite pour vous rappeler que les appels d'offres, enfin les possibilités de répondre à ces appels sont actuellement sur le site de l'Institut Émilie du Châtelet. Il s'agit donc d'appels pour l'aide à manifestation scientifique, bien sûr en Île-de-France, et aussi des bourses. Ça a été même l'objet principal de l'activité de cet institut. Ce sont des bourses de doctorat et de post-doctorat. Et actuellement, l'Institut Émilie du Châtelet est en transformation, c'est-à-dire qu'elle finit son cycle. C'est des domaines d'intérêt majeur qui sont désignés pour 4 ans par la région. Donc nous finissons notre cycle jusqu'en octobre, mais ces appels sont pour l'année 2013 et donc ils se situent à l'intérieur d'une nouvelle appellation qui s'appelle genre, inégalité, discrimination, c'est-à-dire le GID, si on prend le sigle. Donc l'Institut Émilie du Châtelet garde son autonomie, mais participe à un ensemble plus large qui allie un pôle sur les femmes, le sexe et le genre, et un pôle sur les discriminations, et a pour vocation aussi, bien sûr, l'intersection de ces deux pôles, mais pas uniquement. Donc on peut tout à fait postuler sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec la discrimination, même si l'intersection des deux est tout à fait le bienvenu. Donc je vous invite à découvrir le site de l'Institut Émilie du Châtelet pour découvrir ses différentes activités. Il y a un agenda, il y a toute une description de nos activités, des colloques, des séminaires, des traductions annuelle, des conférences, et puis aussi une pétition, si vous n'aviez pas encore eu l'occasion de la signer, puisque dans la polémique contre les études de genre, alors nous vivons dans un univers où nous avons rarement l'occasion de croiser cette polémique, elle est plutôt médiatique, mais disons que les adversaires des études de genre existent et se manifestent, et ils sont plus de 30 000 à avoir signé une pétition contre ce qu'ils appellent la théorie du genre, qui remet assez fondamentalement en cause nos travaux. Donc nous avions fait une contre-pétition, mais nous n'avons pour l'instant que 4000 signatures. Donc je vous invite à faire gonfler les chiffres, puisque les journalistes sont toujours très friands de comparer les plus de 30 000 de nos adversaires aux petits 4000 de nos partisans. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon colloque. Alors, je vais passer la parole à Caroline Montel-Glénisson, dont Christelle vous a dit un tout petit mot tout à l'heure, et qui est donc la directrice de New York University in France. Caroline. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est un grand, vraiment grand plaisir pour moi en tant que directrice de New York University en France d'être ici à l'ouverture de ce colloque qui, comme l'a dit Christelle et comme l'ont dit Anne Hugon et Pascal Barthélémy, a été vraiment une aventure puisqu'on a commencé, ou du moins Christelle a commencé à m'en parler il y a près de 2 ans, je crois. Et une aventure de ce genre, c'est un travail de très longue durée, c'est énormément de réunions, de rencontres, de concertations. Et je dois dire qu'à tous égards, toute cette préparation a été remarquable. Vous l'avez signalé, mais je l'ai moi aussi vécu. Ce projet était enthousiasmant dès le début. J'ai eu grand plaisir à le soutenir. Je voudrais remercier toutes les personnes et tous les organismes qui ont collaboré avec nous et avec qui nous avons collaboré pour que ce soit possible. Bien sûr, nos collègues du Centre d'histoire de Sciences Po, bien sûr, l'Institut Émile du Châtelet, Émilie du Châtelet, bien sûr, Paris 1. Je crois qu'à tous égards, cette collaboration a été vraiment exemplaire. Aujourd'hui, nous sommes aux premières heures de ce colloque et c'est assez formidable de voir réunis dans cette salle tous ces participants dont nous avons parlé bien longtemps à l'avance, qui viennent de tous les continents, je crois. Des dizaines de langues sont représentées ici. Je dirais que pour New York University, c'est un objectif important de développer justement et d'aider ce type de rencontre pluridisciplinaire et internationale. C'est cet objectif qui nous a permis d'obtenir une aide tout à fait spéciale du centre de recherche du bureau de notre provost à New York. Et je crois aussi que c'est ces objectifs qui nous ont permis d'obtenir une aide de l'ambassade des États-Unis qui a aussi été très appréciable et que je voudrais remercier également ici. Un tout petit mot sur New York University en France. Nous sommes l'antenne donc de NYU, présent en France depuis près de 40 ans, avec vraiment trois grands axes. Un axe académique, nous recevons ici à Paris des étudiants du niveau licence au doctorat. Nous avons également, en partenariat bien sûr avec toutes les grandes institutions françaises, Sciences Po, Paris 1, l'ENS, etc. Mais nous avons aussi un axe culturel et un axe de recherche qui est aussi très actif dans les dimensions que je citais tout à l'heure, recherche scientifique dans des très pluridisciplinaires et internationales. Donc, voilà, vous étiez au cœur de ces objectifs. Et merci énormément à Christelle, à Anne Hugon et Pascal Barthélémy, parce que, bien sûr, sans elles, rien ne se serait fait. Alors, je vais rappeler Pascal et Catherine Kakri-Vidrovitch. Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue ici. Je voudrais dire à quel point je suis aussi heureuse de voir ce colloque commencer parce que effectivement ça fait 2 ans qu'avec Anne et Christelle nous y pensons, nous en parlons, nous en rions, ce qui n'est pas si fréquent, et nous travaillons. Et donc, nous espérons aussi que ces 3 journées vont être des journées de travail et de discussion, voire de débat, volontiers contradictoires. Donc, je remercie aussi, bien sûr, Anne et Christelle pour leur présence à mes côtés pour organiser cette rencontre. Alors, il me revient de vous présenter Catherine Kakri-Vidrovitch, qui a très gentiment accepté d'introduire nos travaux, et j'en suis heureuse à plus d'un titre. Catherine Kakri-Vidrovitch est professeure émérite de l'Université d'Hydro Paris 7, et je la remercie tout particulièrement parce que, tout simplement, sans elle, je ne serais pas là, puisqu'elle fut ma directrice de thèse, et qu'elle m'a la première incitée à m'intéresser à la situation des femmes en Afrique à l'époque de la colonisation. Et donc, merci beaucoup, Catherine, depuis 20 ans, peut-être maintenant, que tu m'as proposé de travailler dans ce champ de recherche. J'en suis heureuse aussi parce que Catherine a joué un rôle essentiel dans le développement de ce champ de recherche en France. Car après avoir travaillé sur l'histoire des compagnies concessionnaires au Congo, après avoir été, on va dire, une spécialiste internationalement reconnue de l'histoire urbaine de l'Afrique, elle a compris l'importance et l'intérêt de l'approche genrée de l'histoire des sociétés africaines et la publication en 1994 de son livre de synthèse « Les femmes d'Afrique »,« Femmes africaines, une histoire des femmes d'Afrique noire, 19e, 20e siècle » a été un moment extrêmement important dans l'histoire du développement de ce champ de recherche. À la suite de la publication de cet ouvrage, elle a aussi répondu à la demande de la revue Clio Histoire, Femmes et Société en coordonnant en 1997 un numéro qui s'appelait Femmes d'Afrique, que vous trouverez sur la table de librairie dans le hall d'entrée, et qui a également fait date. Et enfin, elle a continué à participer au développement de ses recherches en coordonnant plus récemment un numéro des cahiers d'études africaines en 2007 consacré aux femmes, aux droits et à la justice. Donc je dirais que Catherine Cocri est ici parce qu'elle fut vraiment pionnière en France dans ce champ de l'histoire des femmes d'Afrique en situation coloniale, mais d'Afrique d'une manière générale aussi en dehors de la situation coloniale. Et je dirais qu'elle fut pionnière aussi dans sa volonté et pendant toute sa carrière à l'université de transmettre aux plus jeunes à la fois les recherches existantes, notamment outre-Atlantique, qui sont souvent pas assez connues en France, de transmettre aussi ses idées, des idées nouvelles. Et je dirais que peut-être que ce qui pour moi te caractérise, c'est cette capacité à sentir la manière dont les recherches vont se développer, ce qui va devenir important. Et je pense que cette qualité est assez rare. Voilà, donc c'est vraiment naturellement et avec beaucoup de respect que nous lui avons demandé d'intervenir aujourd'hui. Et je te remercie, je te donne la parole. Merci. Alors, après une telle introduction et puis la bêtise que j'ai commencé par faire, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Et ce n'est pas très gentiment que j'ai accepté, mais avec enthousiasme et avec fierté, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement gentil, effectivement, de votre part. Et beaucoup de, comment dirais-je, de mes anciennes étudiantes sont vraiment devenues des amies, et c'est en amis que nous travaillons, et c'est moi maintenant qui apprends, même si il y a maintenant assez longtemps c'était moi qui étais en charge d'enseigner. Alors je suis très heureuse d'avoir à introduire ce colloque important. Je remercie donc vivement mes collègues d'avoir invité la douairière que je suis et qui va donc vous parler du passé, puisque le présent, c'est vous, les chercheurs et chercheuses d'aujourd'hui, qui le portez et qui vont nous l'apporter. Et je peux dire que je suis aussi très fière de savoir que parmi les organisatrices, comme tu l'as rappelé, certaines, et peut-être certains, moins nombreux, bien sûr, ont suivi mes enseignements et participé à mes propres recherches sur l'histoire des femmes et du genre en Afrique, puisque telle est ma spécialité, non pas les femmes et le genre, mais l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique au sud du Sahara. Et c'est donc, et je vous prie de m'en excuser, surtout sur ce champ géographique que je vais prendre mes exemples. L'histoire des femmes hors Occident, on ne parlait pas encore du genre. On parlait d'histoire des femmes, du moins en France, quand j'ai commencé à m'y intéresser. Cette histoire des femmes hors Occident a démarré tard en France, comme on l'a déjà rappelé. Et je crois pouvoir dire effectivement qu'en histoire, dans la discipline historique, j'ai été pionnière à ma façon, puisque les ethnologues et les anthropologues, eux et surtout elles, avait déjà défriché largement le domaine, donc dans d'autres disciplines. On oublie souvent que c'est dès 1960 que la sociologue Denise Paume avait lancé le premier numéro spécial des cahiers d'études africaines, il me semble bien, sur le sujet. Ce sujet qui alors paraissait formidablement original, bien qu'il s'agisse comme ailleurs de la moitié de l'humanité. La revue Présence africaine a aussi publié un numéro spécial prémonitoire et puis ensuite un second. Mais les historiens en étaient encore absents. Et pour ma part, je dois dire que le sujet ne m'a guère effleuré avant que je n'aille régulièrement effectivement enseigner l'histoire africaine 6 semaines par an aux États-Unis. J'ai commencé en 1981. C'est alors que m'est apparue la vacuité française. J'avais été à ce moment-là, un petit peu plus tard, dans les années 1985, je pense, contactée par une petite maison d'édition de qualité, d'ailleurs plutôt spécialisée sur le XVIIIe siècle, les éditions des Jonquières, pour écrire un ouvrage sur un sujet à définir ensemble. Je me souviens de la rencontre avec les éditeurs et nous cherchions un sujet original. Et je ne me souviens plus pourquoi, finalement, nous sommes tombés sur l'idée d'une histoire des femmes africaines. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à accumuler la documentation. Je n'aurais pas donné signe de vie pendant très longtemps, si bien quand je suis arrivée avec mon manuscrit pratiquement 10 ans après, ils étaient très surpris parce qu'ils pensaient que ça n'aboutirait pas. Et cette documentation, je me suis mise à beaucoup lire, quasi exclusivement en anglais. Les anthropologues anciennes en général, parce que ce sont surtout des femmes qui s'intéressent aux femmes, malheureusement. On le voit aussi encore dans cette salle, où quelques personnes de l'autre genre sont heureusement là, mais enfin, ils sont... Ce qui est rare dans les réunions d'historiens minoritaires. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai accumulé la documentation en anglais, des anthropologues surtout, parce que ce sont des anthropologues femmes qui avaient commencé à travailler sur la question à partir des années 1920-1930, donc ça devenait des documents d'histoire pour moi. Et puis, cela poursuivait tranquillement son chemin quand il y a eu une espèce de coup de tonnerre dans le domaine historique occidental. L'ouvrage sur l'histoire des femmes en 5 volumes, si je me souviens bien, dirigé par Georges Duby et Michel Perrault. Inutile de préciser que c'est Michel qui a battu le gros du travail de coordination, mais la maison d'édition Le Seuil a probablement trouvé, enfin c'est une hypothèse de ma part, mais je pense qu'elle correspond assez bien à l'esprit du temps, a trouvé plus respectable de faire en somme parrainer par un autre grand nom, mais masculin, cette entreprise. Je suis allée à la présentation de l'histoire des femmes qui est devenue en Occident, je vais en parler dans un instant, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, 900 places, plein à craquer. Et je pense qu'il y avait peut-être 20 historiens et 820 historiennes pour assister à la sortie de ce livre. Ça m'avait déjà frappé. Alors, Michel Perrault avait effectivement monté dans le même département d'histoire que moi, où j'officiais aussi à Paris, à l'Université Paris 7, alors Jussieu et aujourd'hui Paris Diderot, un groupe très actif et très nouveau de recherche en histoire des femmes en Occident. Mais curieusement, à l'époque, je n'y avais guère été sensible et je m'occupais plutôt sur l'Afrique, comme l'a rappelé Pascal, sur d'autres sujets concernant la colonisation économique ou politique. Il faut dire que la question du genre commençait à se poser sérieusement en Occident. Le féminisme y battait son plein, en tous les cas dans les milieux anglophones et en particulier américains. Il faut dire que le courant avait aussi commis, par le biais précisément de militantes féministes américaines, pas mal de bourdes auprès des africaines, à l'occasion de la décennie des femmes, proclamée par l'UNESCO entre 1975 et 1985, parce que le sujet n'était pas du tout abordé de la même façon, disons pour simplifier, entre le Nord et le Sud. Et par conséquent, il y a eu des malentendus et des incompréhensions formidables entre les spécialistes du Nord et les spécialistes du Sud. Je me souviens encore une dizaine d'années plus tard, un peu plus tard dans la même période, d'une espèce de dialogue de sourdes auquel j'avais assisté au sein de notre laboratoire, le laboratoire CEDET, qui s'appelait probablement encore Connaissance des tiers-mondes à l'époque, entre deux spécialistes de la question, Madame Fatousso, qui est ici dans la salle et qui a été membre pendant des années de notre laboratoire CNRS et qui est la grande spécialiste francophone africaine de la question du genre. Et puis Madame Gabrielle Houbre, spécialiste historienne du monde occidental. Et les deux interlocutrices défendaient Gabrielle Houbre descendait les théories féministes qui avaient cours en Occident à l'époque, et toutes les deux avaient raison dans leur champ, mais elles ne se comprenaient pas. C'était le sentiment que j'avais. Les féministes françaises à l'époque pensaient à la liberté du corps, et les féministes africaines à l'esclavage des femmes, au travail féminin. On n'était pas du tout sur le même registre, n'avait pas du tout les mêmes questions. Et par conséquent, le dialogue à cette époque-là était vraiment assez difficile, comme je le disais, entre le Nord et le Sud. Bref, ce qui m'a vraiment déclenché, c'est la publication donc, de l'histoire des femmes, du Bipéro, en 1991, avec une anecdote savoureuse que je tiens de Michèle Perrault elle-même. Je ne sais pas si elle est arrivée, mais c'est elle qui me l'a racontée à l'occasion d'une présentation qu'elle faisait de cette grande œuvre en 5 volumes devant un auditoire suisse. Et il s'agissait, l'ouvrage n'était pas encore paru, il s'agissait, on était au moment... Les premières épreuves avaient été corrigées, mais les deuxièmes épreuves n'étaient pas encore parties. Et c'est une intervenante suisse qui a levé le doigt dans la discussion et qui lui a dit mais madame, si je comprends bien, vous ne parlez que des femmes en Occident. Pourquoi vous l'appelez l'histoire des femmes ? Et Michel a tout à fait pris conscience de la question et a dit il s'agit effectivement d'une histoire des femmes en Occident et pas d'une histoire des femmes. Il était trop tard pour le mettre sur la couverture et elle l'a fait introduire dans le jeu de deuxième épreuve sur la page de garde. Et je suis sûre, enfin, je n'ai pas vérifié, mais que les nouvelles éditions portent histoire des femmes en Occident. Donc, c'est vous dire à quel point, à cette époque-là, il n'y avait absolument aucune idée de faire, je dirais, non pas l'histoire des femmes, mais l'histoire en général pour la corporation des historiens très majoritaire en France, de faire l'histoire autre que de l'histoire occidentale. Et Pierre Boilet le sait comme moi, enfin, et nous avions beaucoup de mal à nous faire entendre au sein de, comme des êtres normaux, des historiens ou historiennes normaux, et non pas des espèces d'extraterrestres qui traitaient d'un sujet bizarre. Alors, cette parution de Michèle Perrault m'a fait accélérer. J'ai donc entrepris un ouvrage pas original du tout, mais de synthèse de démarrage, comme tu l'as dit, c'est-à-dire exposer tout ce que l'on savait de l'histoire des femmes africaines, enfin essayer d'exposer tout ce que l'on savait de l'histoire des femmes africaines, depuis la veille de la colonisation jusqu'à nos jours, à partir des travaux, des études et des publications de langue anglaise, essentiellement, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. Ce livre a été publié en 1994. En même temps, bien entendu, je proposais des sujets de maîtrise et de thèse sur la question. Et j'ai eu même la fierté, à l'époque c'était rare, d'avoir convaincu un homme, un doctorant béninois, Roger Akpaki, d'écrire sa thèse sur l'histoire des marchandes de son pays. Sa mère était une market woman, effectivement, et ça l'avait incité à travailler sur la question. Enfin, un garçon. J'étais vraiment très fière. Car dans mon séminaire de troisième cycle, alors surtout composé de doctorants africains masculins, on était avant les lois Pasqua qui ont réduit drastiquement la présence des doctorants étrangers en général et africains en particulier, les jeunes filles étaient encore rares, les jeunes filles africaines étaient encore rares à être parvenues au niveau du troisième cycle dans les années 80-90. En outre, dotée d'une bourse française, c'était encore plus rare pour une fille. Alors, dans ce séminaire de doctorat, j'ai donc consacré probablement 2 années en préparant le livre, à l'histoire des femmes. Et je dois dire que je me suis, d'une certaine façon, bien amusée, parce que les étudiants trouvaient alors assez cocasse de s'intéresser à l'histoire des femmes, et en particulier à l'histoire des femmes de leur continent. Et la plupart pensaient parfaitement normal d'avoir vu leur mère porter quotidiennement l'eau ou le bois de chauffage sur leur tête, ou bien s'occuper de toutes les tâches domestiques. Et leurs réflexions étaient intéressantes parce qu'elles étaient équivalentes, je dirais, à ce que les garçons français avaient dit avec autant de naturel une génération avant, pas beaucoup, 50 ans avant ou 30 ans avant, mais qu'ils continuaient peut-être à penser, mais qu'ils n'osaient plus dire. Alors, tout y est passé. La femme ne doit pas avoir un salaire parce que ça lui donne de l'indépendance. Elle tromperait son mari. Les femmes sont faites pour la vie domestique, etc., etc. C'était assez savoureux d'essayer de le faire comprendre que cette normalité, finalement, commençait à ne plus être normale. Et c'est un souvenir donc que j'ai. Alors, les garçons européens ne le disent plus, mais ils le pensent probablement souvent encore, mais ils n'osent plus le dire avec le même naturel. Alors depuis, bien sûr, on en est venu au rapport de genre, et c'est sur ce thème que travaille la collègue qui m'a succédé à l'université Paris 7, Othilde Görg, à l'université Hydro Paris 7 dans le laboratoire CEDET. Ce qui importe désormais, c'est la place et le rôle des femmes en tant qu'actrices, excusez-moi, dans la société à tous les niveaux, et pas seulement domestique ou sexuelle. Et devenue classique, l'étude de ce que les anglophones appellent class, race and gender, ce que l'on pourrait traduire par classe, culture et genre, qui sont les trois facteurs essentiels permettant d'élucider les rapports sociaux entre les deux genres, parce qu'il n'y a pas le genre féminin, mais il y a les deux genres masculin et féminin. Mais c'est encore récent en France pour les zones non occidentales. J'ai dû encore, par exemple, aller faire en 2005 un exposé qui m'a été demandé au CEAN, au Centre d'études d'Afrique noire, qui maintenant s'appelle le LAM, à Bordeaux. C'était en 2005, et il fallait expliquer ce qu'on entendait par rapport de genre, avec le titre « Historiographie et histoire du concept de genre, le point de vue de la recherche ». C'était un exposé général, pas seulement sur le genre en Afrique, mais le genre en général, destiné à apprivoiser un public de chercheurs, majoritairement masculins, avec ce thème de genre encore bien mal accueilli en France. Et toujours, ça commence à changer, mais c'est vrai que ce n'est pas très euphonique, que c'est un anglicisme, mais il est devenu maintenant normal pour les chercheurs et les chercheuses, et parfois encore pas très bien accueilli en France par les chercheurs mâles, je dirais. Alors, je peux vous raconter une dernière anecdote à ce sujet, à propos de l'organisation des rendez-vous d'histoire de Blois. J'avais fait partie à cette époque du conseil scientifique qui décidait du thème de l'année. Et pour l'année 2004, a été choisie l'histoire des femmes, un petit peu en hommage à Michel Perrault, qui quittait la présidence du conseil scientifique, et qui n'était pas là d'ailleurs quand on l'a décidé, parce que justement elle ne voulait pas qu'on mette en exergue sa spécialité. Alors les quelques femmes du conseil scientifique dont j'étais ont timidement proposé en 2004 d'utiliser le terme genre, timidement parce que nous avions pressenti la réponse, nous savions de nos collègues masculins, éminents professeurs que je ne citerai pas, mais tous un peu remarquables, qui ont dit « Ah, le genre, ah non, c'est pas possible, personne ne va comprendre, c'est impossible. » Et je dirais même que l'un d'entre eux, et pas des moindres, a même grommelé assez fort pour être entendu « Encore les femmes !» Alors, compte tenu de l'état alors peu développé de la recherche sur ce thème, c'était assez symptomatique de l'esprit historien il y a encore bien peu d'années. C'est pourquoi je me réjouis de ce premier très grand colloque international qui se tient en France sur la question. J'admire les organisatrices pour leur ténacité et leur réussite. Et disons, c'est le premier grand colloque international d'historiens et d'historiennes qui se tient en France sur la question, mais ça n'est pas le premier grand colloque international sur les femmes et le genre, parce que il ne faut pas croire que ça n'existe pas ailleurs. Je ne le sais pas pour beaucoup de continents, mais je peux vous le dire qu'en Afrique, depuis une dizaine d'années, justement, en particulier, Madame Fatousseau organise tous les deux ans, je crois, ou tous les ans, enfin bref, des colloques internationaux panafricains et plus, tous les trois ans, sur les femmes. Le thème apparaît souvent privilégié sous la forme, je parle d'une façon plus générale, femmes et développement, femmes et migration, femmes et démographie. Il y a aussi une chercheuse en démographie qui a beaucoup travaillé dans ce domaine, beaucoup fait avancer les choses en France. Son nom m'échappe. Thérèse Lecot, oui, bien sûr. Ce sont des thèmes qui ont acquis droit de cité dans les instances, par exemple, de l'UNESCO. Mais il y avait un retard incontestable de la part des historiens et des historiennes du côté de l'histoire des femmes et du genre dans les pays du Sud, parce que l'histoire des femmes et du genre dans les pays du Nord a quand même progressé en France plus tôt et plus vite. Je vois par exemple des spécialistes dans la salle. Alors, donc, c'est très important que les historiennes, et espérons-le, davantage d'historiens, puisque les historiennes savent désormais de leur côté s'attaquer au thème naguère encore plus tabou de la masculinité, donc que les historiens réalisent en France cette grande réunion confrontation. C'est une grande première, et n'en doutons pas, la première d'une longue série d'acquisitions et de confrontations des savoirs. Donc merci à toutes et tous de vos travaux et de vos efforts. Merci.